100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne, 100% rap français ce soir, il est là. Plus oui. Barbu que jamais. La longue barbe du scorpion. Scorp, comment ça va? Ça va et toi, Fred? Eh ben écoute, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est vendredi, maintenant les sorties. Eh oui. Et toi aussi, c'est pareil pour toi, comme Cindy qu'on avait tout à l'heure. C'est tout sorti aussi aujourd'hui. Voilà, premier album de rap français qui sort un vendredi, c'est DJ Scorp. Ça s'appelle Red Devils. Voilà, c'est ça. Donc alors, rappelle-nous rapidement déjà qui tu es, ce que tu as fait et comment tu en es arrivé à Red Devils. Oula, donc je suis DJ depuis 2007. Mm-hmm. J'ai sorti plusieurs mixtapes dont Rap Impact, Rap Impact 2, Le Prélude. Après j'ai été DJ de Sultan, je suis son DJ toujours aujourd'hui. Et puis au fil des années je suis devenu producteur, beatmaker. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai acquis assez de confiance pour présenter mon premier album au public. Ouais. Voilà, ça s'appelle Red Devils. Bon, il y a eu plusieurs extraits, on a entendu avec Sultan d'ailleurs justement. Ouais, bien sûr, normal, il y a eu donc Touche à Rien, le premier extrait que j'ai envoyé à Lafouine, avec Lafouine et Canardo, qui a fait pas mal de bruit à l'époque. Et puis voilà, j'ai décidé, quand j'ai eu les retours sur ce son, de refaire, on va dire, une bonne partie de l'album. Donc c'est pour ça que j'ai mis un an à le sortir, entre le premier extrait qui était avant l'été dernier et cette date de sortie. Et voilà, je suis super content du résultat. L'album est sorti aujourd'hui, j'ai que des bons retours. C'est un album qui est mixé? Non, c'est pas un album mixé. Sinon, j'aurais appelé ça un mixtape. Là, c'est un album avec des prods que tu as faites. Voilà, donc je suis producteur à la base et de tous les titres, réalisateur de. Je réalise tous les titres et puis c'est DJ Scorp featuring. Donc un peu pour suivre le concept américain, comme le font les Khaled ou les Dramas. Moi, je me suis dit, je vais faire mes prods et je vais inviter les rappeurs que j'apprécie. Donc, il y a qui? Tu peux citer quelques noms? On parlait de Lafouine, de Sultan, mais alors, il y a qui? On peut retrouver Il y a plein de monde. Il y a H. McDom, Dr. Beriz, L.E.C.K., Ixo, Ous, Mike Lucas, Fababy, Ghetto Phénomène et Kamikaze, des artistes de Marseille que j'apprécie beaucoup. Chroma et Pop, qui sont deux artistes du 92 avec qui je travaille depuis des années que je suis en train de développer. Il y a la MZ qui est un groupe que j'aime beaucoup. Un groupe parisien, ouais. Groupe parisien, voilà. Il y a Olkari. Il me fallait un. 9 ans. Un grand monsieur sur l'album, ça a été Olkari. Puis après, voilà, il y a D6 qui a fait le remix de Touche à Rien. Il exact. Était sur la fin de son album. J'ai eu la chance de travailler sur son album sur un titre qui s'appelle Automoto. Et comme il était sur son album, il avait pas trop de temps. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai kiffé Touche à Rien, envoie-moi l'instru, je te fais un remix. Et puis voilà, ça a été super vite. Et puis j'ai fait un titre où j'ai ramené un peu, on va dire, quelques rappeurs qui sont vraiment dans la trappe énervée en ce moment, que j'aime beaucoup, comme Cozy, il y a BR Block Rider, il y a Solo Le Myth, Wormstay, Bassirou, un artiste de Nanterre que je connais depuis quelques années. Et voilà, c'était important pour moi de mettre en avant aussi bien les gens connus, les gens en développement. C'est un peu le but d'un DJ. C'est un peu d'ailleurs un retour aux sources, puisqu'il y a une époque, il y avait beaucoup de compiles comme ça qui sortaient, hein, Scorp. Il y a quelques années de cela, ouais. Il y a beaucoup de compiles qui sortaient. J'en ai sorti moi-même, Rap Impact à l'époque. Donc je faisais pas les instrus, mais j'invitais beaucoup de rappeurs. Je mélangeais beaucoup de rappeurs connus avec des gens en développement. Et puis après Rap Impact 2, j'ai voulu mettre un terme aux compilations parce que c'était beaucoup d'énergie. Des fois, t'as pas forcément. Les rappeurs font pas forcément l'appareil. Donc, je me suis mis à fond sur Sultan, comme j'étais son premier producteur avec Mike, qui est un grand de Fontenay-aux-Roses, voilà, la cité à côté de Sultan, qui est venu, qui nous a monté, on va dire, moi et Sultan, aussi bien l'un que l'autre. C'est quelqu'un de très important pour nous. Là, il est au Portugal en ce moment avec Sultan. Ils font le clip avec David Carrera. Je leur passe un gros big up. Je sais pas s'ils ont réussi à piquer. Il y a Skyrock au Portugal, ils peuvent capter là-bas. On peut capter avec le net maintenant, avec l'application Skyrock, on peut nous entendre partout. Elle est téléchargée d'ailleurs pendant les vacances, parce qu'il y en a plein qui partent en vacances, c'est gratos l'application Skyrock, téléchargée, vous pouvez entendre Scorp partout. Voilà, c'est très important d'entendre Scorp partout. Et puis, donc voilà, l'album est sorti ce matin, j'ai que des bons retours. Bah regarde, je dis 2-3 messages qui arrivent. Hein. Très lourd, Red Devil, DJ Scorp, le meilleur dans les prods françaises ces derniers temps. Projet très abouti, c'est Ismo qui nous envoie ça. Bad Boy, il tue ton album, DJ Scorp, bravo. Bien sûr, et vive à Portugal. Tiens, il y a les Portugais qui sont là aussi. Vive le Portugal, il n'y a pas de souci. Bon Scorp, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on attaque? Ah, direct là, comme ça, j'ai un petit verre de champagne, tu veux qu'on attaque direct? Bah je sais pas, je me dis qu'on est bien. Ok, vas-y. Que là en plus, parti. Attends, il y en a plein qui sont en vacances, il y a eu les résultats d'examen, machin. Faut décompresser. Décompresser les amis, donc c'est parti. Allez, première session mixée par DJ Scorp, on part pour quoi? 15-20 minutes de son mixé? Ouais, on va dire ça, ouais. 15-20 minutes. Coup d'envoi quand tu veux, Scorp. Salut mon vieux, tu me reconnais ? Nocturne DJ Scorp au contrôle. Red Devils est dans les bacs depuis aujourd'hui. Mon gars sûr, pas sous l'outil. Je joue en Espagne, je connais pas la Ligue 1. J'rappe si bien, j'suis si beau. Oui, le style est décisien. Chiki-chik, à chiki-bra. Comme ma fille le dit si bien. Ici, on discerne bien. Les fakers, les real niggas. Tu reconnais la voix, tu reconnais les faces. Sur la grosse basse de ce gros bangus. Touche à rien, fais le manchot. Mon flow, ma carrière, sont amputés. Tu crois que c'est pour rien que j'suis réputé. La rue m'a marié, j'l'ai répudié. J'ai rien touché, sauf une fois. Comme un lépreux, j'm'en mords les doigts. J'la sens bien, au développé. Vas-y, tu sais quoi, rajoute des poids. Quand on parle de mon business, tu touches à rien. C'est aussi comme le pen, t'as une touche d'Arien. Ma queue est rouge, je bombarde Berlin. Je suis un red tail, tu comprends rien. Je suis bon en tout, c'est des bons à rien. Des cyclopes qui se font des clins d'œil, voient rien. T'as rien compris, fais repeat. Qu'il repose en guerre, je reste une piste. Salut mon vieux, tu me reconnais. Tu mènes ta barre, ma carrière est impeccable, car je touche à rien. Argent dans salle, Coca-Cola, mon rap est tout vide, il touche à rien. Pendant que je touche, j'ai la rime qui pète. Pendant que tu te couches, mais tu touches à rien. Touche à rien. Touche à rien, j'en souhaite déjà arrête, j'en fais trop de mal, ils attendent que j'arrête. Le CP dans le cul, on encule tous les habits, parce qu'on impose la salance sur le raté. Faut que les larges, personne nous fera perdre des billes. Ici les bleus se font farder. Comme gratis ou tout s'énerve. On est toujours prêt à taper tout ayant. Certains bleus ne sont pas prêts. Paris ça fait parler les balles pour des rappels. La bœuf fera du bras, accumule les biens et ça nous donne la barre. Les envieux nous regardent, du bon touche et les potos tapent des barres. MZP, David Chen présente KDB. Moi je joue pas au foot, bonne contre pour le micro, négro c'est physique. Ça me font le, je joue pas son plein lulu. Programme au stage où les footballeurs, moi je me dis que t'as mis la pilule. Je suis désolé ma belle, on t'a dit que c'est Kevin. Même dans la chambre d'hôtel, on jouera pas au football. Sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Posé sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Posé sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins. Dis mon vieux, tu me reconnais? Posé sur le terrain, on joue pas au football. On joue pas au football. On joue pas au football. Je la défonce toute la nuit, je me défonce toute l'année. Temps additionnel, but ma frappe, tu perds ses filets. J'ai vu leur équipe de merde défiler. Seuls leurs yeux toucheront les trophées. Qui veut nous défier, s'en ira jamais dans les bras de Morphée. Bitch, rase la blouse, ramasse la savonnette sous la douche. Ouvre ta bouche, mets-les dans ces cartons rouges. Ou pose ton bouche, on vend touche. Laurent Black m'a sélectionné. C'est la crise pour faire les totos. Des négros de l'humilité. Et la balle a touché le poteau. Contre les positifs à la putain d'eau. Les négros sont des putains de fiottes. Ils prennent leur fille pour des putains de chiottes. J'fais pas la face, t'es pas des nôtres. On cherche le but, ils cherchent la faute. Les hooligans leur poussent les côtes. On gagne le match avec la plus basse côte. Posé sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Posé sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Salut mon vieux, tu me reconnais? On joue pas au football, cliché, y'a des gradins. On joue pas au football, posé sur le terrain. On joue pas au football, on joue pas au football, on joue pas au football. Ça prend dans moins de temps de compter les bons que les bâtards. C'est pas dans le ballon, mais t'as peut-être que le kef, mais d'embata. Analyse d'un expert, mais le barbale. Surtout si c'est pour faire le mort qu'on t'a ponté papa. Eh Naga, tu m'as vu avec un bordel. Je l'ai tarot d'enfer, c'était mortel. Je suis un peu ma gueule, j'ai vendu de la frappe à ton père. Et niveau comme je t'avoue qu'il n'était pas prêt. Hein, quoi, c'est moi et mon équipe. À quoi ça sert de vivre si tu fais pas de bénéfice? C'est pas en restant chez ta mère, tu vas niquer la police. Quoique mes ennemis, je vois que de l'oser dans ma rétine. Faites du papier, arrêtez d'envier. Sur la vie de maman, c'est pas bien de gratter. Chauffe ton couteau, pèse tes pechetons. Brûle ton plastique, ou va taper. J'ai plus la haine, c'est plus pareil. J'suis pas clair, j'suis pas méchant, demande à tout le monde sauf mes ex. M'en veux pas si tu me connais pas, faut que t'essayes. Et faut que tu baisses, et faudra t'en contenter. J'ai arrêté de contempler, j'compense mes plaies. Si tu savais tout ce que j'entendais, de les niquer, j'étais grave tenté. Ils en valent pas la peine. Sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Posé sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Posé sur le terrain, on joue pas au football. Cliché, y'a des gradins, on joue pas au football. Posé sur le terrain, on joue pas au football. On joue pas au football. Planète rap 100% rap français. DJ Scorp au contrôle. J'ai joué toutes mes cartes, ouais. Mes concurrents, tu sais que je les éclate, ouais. J'ai fait du chemin de pif, le riz des quatre, ouais. Je suis inclassable, donc je rentre pas dans vos stats, ouais. Langage de sourd, mais bon qu'on se le dise, ouais. Rien que je découpe mes chlas, je les aiguise, ouais. Tu veux de l'inspi, viens traîner dans nos pattes, ouais. Tu veux du buzz ou un feat, mais y'a que nos dos qu'on gratte. Phase monstrueuse, souvent mon flow manque d'humanité. Au-delà du rap, tous les vrais m'ont déjà validé. Je n'ai que faire de tes pensées, mais c'est t'as pas idée. On devient menseur de pierre par peur de se faire lapider. Je me décaoué depuis que je sais que je fais saliver. Faut pas qu'être bonne, faut du talent, demande à Alizé. Dans nos cités, des affrontements bien colisés. Je suis populaire maintenant, va le dire à mes profs du lycée. Le rap vit de rumeurs et meurt de jalousie. Je ne sais faire que des bebons que l'auditeur dégoupille. suis pas souvent d'humeur. Écoutez tes broutilles, numéro 1 de ma génération. Allez mon vieux, tu me reconnais. Beaucoup ont dit que j'ai joué toutes mes cartes. Ouais. Mes concurrents, tu sais que je les éclate. Ouais. J'ai fait du chemin depuis Fleury des quatre. Ouais. Je suis inclassable donc je rentre pas dans vos stats. Ouais. Langage de sourd mais bon qu'on se le dise. Ouais. Rien que je découpe mes chlages, je les aiguise. Ouais. Tu veux de l'inspi, viens traîner dans nos pattes. Ouais. Tu veux du buzz ou un feat, mais y'a que nos dos qu'on gratte. Issus des cités qu'ils appellent en difficulté. C'est vrai que c'est pas l'avenue Montaigne ici, c'est pas UP. Faire du rap, monter sur scène, c'est nos facultés. On sert à titre, les Judges Corps. Tu ferais mieux de garder tes distances. Red Devil. Salut mon vieux, tu me reconnais. Je répète, Judges Corps. C'est trop petit donc je ne vois pas la loupe. Inédit, ça arrive. Covid, vous serez jamais sur ma route. Le DJ Barbu, un scoop, préviens même. Yahweh, toute ta team. Blutard. Beaucoup ont dit que j'ai joué toutes mes cartes. Ouais. Les concurrents, tu sais que je les éclate. Ouais. Fais du chemin depuis mon groupe La Fale. Ouais. Inclassable, donc je rentre pas dans vos stades. Ouais. Ça fait des années qu'on les tétanise. Toujours paré sous le bois, les chromatismes. Tu veux de l'inspire, viens traîner dans nos potes. Ils disent que je suis la relève, mais j'ai même pas démarré. Coincé dans le ghetto, on est condamné. Que de la frappe que l'on fume, c'est pour ça qu'on est paré. Nique sa mère les pompiers, on en fume tout le quartier. Laisse-moi faire. J'étais pas une pute, mais laisse-toi faire. Jack Daniel dans mon verre. Manu le coco, tu vas nous neko. J'suis sur tes tocos. Manu le coco. Manu le coco. Du Discord, tu vas nous neko. Red Devils. J'suis sur tes tocos. Ouais. Manu le coco. Tu vas y rester. Ouais. L'argent passe après le respect. Ouais. SOS qui va me RT. Ouais. Dans terre, pas de fair play. Radeville. Ghetto jusqu'à la muerte. Niqué avant la muerte. DJ Scope. Doucement les gars, DJ Scope. Doucement les gars, DJ Scope. Dans terre, le DM et les rappeurs. Ouais. Mon flanc en guise de vie pour ma soeur. Brrrr. Qui tape de terre, ouais, tu connais. Ouais. Tapez plateau, faut pas ma conne. Skyrock. Arrête de rater plein de manières. Ouais. Ça passe mal comme une armée. Franck. Ils nous aiment pas, ils font les mythos. Ouais. Ils mettent du pain dans mes haribos. Spécial pour les débuts. Après le paru, merde, il veut voir mon cul. Moi j'ai calé, c'est ça mes confrères. J'ai assis, c'est pour ça que c'était confrère. Compte sur Dieu pour nous guider. Si c'est moi, les réponses sont suicidées. Je vais du porter, pas d'idolâtrie. Je veux pas de baiser, je veux une gâterie. Manu le coco. Tu vas nous neko. J'suis sur tes tocos. Manu le coco. Tu te scores. Red Devil. Tu vas nous neko. Ce soir. J'suis sur tes tocos. Manu le coco. Location à 45. 21 11-43, 2-30 sur le compteur. Quitte la frontière, je suis sur répondeur. Sont cramés par le cobigo. Business téléphoné. Leur peur assez comme leur bigot. Hitler de raccrocher. Manu le coquin. Devant toi on baise ta copine. Oui y'a ta coquin. Pas toi c'est la pure, pas ta coupée. Pas tête à tête, on va grouper. Je roule en merco cabriolet. Avec mes négros tu fais la chienne. On va t'apprendre à miauler. Seuls les billets peuvent me sauver. On a rien sans rien, je suis sur le rinté. Je suis sur la route pour percer. Ils ne savent pas, j'ai les vies teintées. Pas mieux, oui c'est nous. Derrière des œufs doux. on te fera pas de micro même si tu nous fais les yeux doux. Manu le coco, Manu le coco, Manu le coco. Tu vas nous l'écho, tu vas nous l'écho, tu vas nous l'écho. J'suis sur tes deco, j'suis sur tes deco, j'suis sur tes deco. Manu le coco, Manu le coco, Manu le coco. Manu le coco, Manu le coco, Manu le coco. Y'a des vips. Y'a des vips. J'suis sur tes deco, j'suis sur tes deco. Manu le coco, Manu le coco. Y'a des vips. Dans la maison, j'ai pécré avec la saison. J'en ai perdu la raison. Salut mon vieux, tu me reconnais? DJ Scorp, au contrôle de la nocturne, 100% rap français. Poussé dans la maison, j'ai pécré avec la saison. J'en ai perdu la raison. Cette pétasse veut me prendre dans ses bras. Elle veut s'endormir sous mes draps. Mais j'ai pas le temps, j'ai LDV avec DJ Scorp pour raconter ma secra. Quoi de neuf le gang, je traîne plus trop devant le V. En ce moment je fais le rappeur, oui je suis trop demandé. Je veux la somme en espèces, oui en liquide. Je te prends dans mes bras si t'as le boule à Niki. J'arrive dans ton bloc, je veux pas voir le gérant, oui je veux voir le patron. Je veux voir les tarots, ramasser les meilleurs prix, donner du cash au daron. Genre de la stress Center Park, j'ai qu'un avocat commis d'office. J'ai remis la faute sur personne, ouais, j'ai été le seul fautif. Aspect clic, ramène ton équipe, ramène ton boss. Que tu nous parles de Kalash, j'ai pas placé ma daronne dans un palace. J'suis avec Jorim Coffee A2N, Smith 7K mérité par le Zen. J'veux pas voir le gérant, j'veux voir le boss. Lucasi H2O2S. DJ Scorp, ça y est, c'est dans les bacs. Allez, mon vieux, tu me reconnais? Mes collègues sont l'hiver. Si on fait un peu, tu auras pas de guetta. Mais que des Vegeta et zéro Belvedere. DJ Scorp, y'a du MC au dîner. Tous tes mythos passent en temps baratiné. Mon terrain la plein, j'ai que des phases à dîner. On a prévenu à tirer bien avant la fois la vider. Les poulets sont fans, ils passent et prennent en photo. La vie c'est pas comme le foot, les attirent des balles, y'a plus de potos. Ils retournent leur baisse, ont une tannée d'abeille. C'est la fin des débats, le gun donne son avis. DJ Scorp, le chiffre comme des codes de la vie. DJ Scorp, t'as un mal école de la vie. Prête des vies. Refait ta déco beaucoup mieux que dans mytho, eh. Avec une paire d'amigos viscères, le surveillant qui te ramène ton pico, eh. Ici personne considéra ton flow pété, etc. Arrête de péra. Nous sommes étant fermés, moi j'ai pardonné, tu paieras. Représente vitrine, peut-être nous vas-y, mon l'envers. A force on mettait plus tant vivé qu'on a tous très vite grandi de travers. Arrête de tu vois le tableau, tous nous vas-y, qu'on fait pas le boîte trop. Non, le silence est d'or, bon pour l'argent, parle pas trop. Red des villes, c'est dans les bacs. Allez le chercher, Niaoué. Toujours à la recherche du mini-mini, on veut de la monnaie. On perd des idées, on pense à charbonner. Manger des coupés, des billets pas billets. Manger des billets pas billets. On parle pas trop, on parle pas trop. J'm'en bats les couilles du gérant, j'me parle pas trop. On parle pas trop, non, on parle pas trop. Ouais, ouais. J'm'en bats les couilles du gérant, j'me parle pas trop. DJ Scorp. Elle veut s'endormir sous mes draps. Hein? J'ai trop de problèmes avec l'État. Hein? Quoi qu'il arrive, nous on parle pas. DJ Scorp. Mon vieux, tu me reconnais? Ah ouf. Ça commence fort, hein, Scorp. Voilà la première partie de mon album. Waouh, ça commence très fort. Il y aura une seconde partie. Dans un instant, seconde partie. On va saluer aussi celui qui est ambianceur ce soir. C'est monsieur POP. POP. C'est la nouvelle signature, je l'annonce officiellement, de Escale Records. Voilà. Donc, POP, qui est un artiste qui est sur mon album, qui est sur le titre Ouais Ouais, qui est sur le titre Manu Lecoq avec Sultan, qui est sur un freestyle à la fin avec Cozy. À la fin, freestyle Red Devils. Et voilà, qui est un artiste qui a rappé avec Sultan sur Rapta Tonight chez Wam. Donc voilà, qui est un artiste de Bagneux sur lequel on est en train de travailler. BGX, j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait. On est ensemble. Donc il est venu là ce soir au Planet Rap. POP. POP, voilà, un nom à retenir. Un nom à retenir là. POP, viens nous dire un petit mot quand même, parce qu'on t'a entendu là à l'instant, mais tu peux nous faire un petit CV express. Bah, moi, je me présente, c'est POP, je viens de Bagneux. Oh, t'es tout calme d'un seul coup alors que t'étais bien chaud il y a quelques secondes. Ah, je sais pas, c'est pas pareil quand je rappe. Je suis un autre homme quand je rappe. Ah oui, il y a un autre truc en fait, il y a un côté schizo, ouais. J'ai deux personnalités un peu. Yeah. Donc on disait. Oui, alors petit CV express en fait, POP. Qui tu es, où tu vas, ce que t'as fait, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ok, bah moi je m'appelle POP encore une fois, j'habite à Bagneux. Donc bah on m'a connu dans des titres avec Sultan, j'ai fait chez WAM, Manny Lecoq et Rap Tatounette qui est sorti il y a pas longtemps là, c'est pour l'album de Sultan, passe le salam à Sultan, Boussoulou toi. On salue Sultan, ouais, qui est au Portugal, ouais, en ce moment, qui se met bien à Lisbonne. Effectivement, ouais. Mais ce soir, on est là pour DJ Scorp. Ouais, Scorp, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut aller cliquer pour l'avoir, on peut le cliquer aussi, téléchargement légal, hein, Scorp. Partout, iTunes, il est dans les Fnac, il est sur toutes les plateformes. On partage assez le lien toute la journée. J'ai un label qui est super lourd, qui s'appelle donc Escal Records, que tout le monde connaît. Donc, qui partage mes liens toute la journée. J'essaie, moi, personnellement. Donc personnellement de répondre à tous les messages privés que je reçois sur ma page officielle DJ Scorp. J'ai beaucoup de messages depuis ce matin, je suis super content, je reçois des snaps. N'hésitez pas à m'envoyer vos snaps avec l'album sur mon Snapchat DJ Scorp 92. Et ben même ce soir, hein, d'ailleurs, si vous voulez, vous balancez des messages, voilà. 41759, le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock. DJ voilà. Scorp a pris le contrôle de La Nocturne. Yes. On est reparti ou quoi, Scorp? Ah, tu veux qu'on reparte direct? Mais je sais pas, tu voulais faire quoi, un freestyle? Non, on peut parler, Fred, ça va toi, ça se passe bien? Bah moi ça se passe bien, bientôt les vacances. Bientôt les vacances, ok, d'accord. Mais là tout va t'as bien. T'as écouté mon album, t'en penses j'ai quoi? J'ai écouté l'album et franchement, mais depuis longtemps, de toute façon c'est Scorp, le mec fait des prods de dingue. Il faut absolument se procurer cet album pour les vacances, c'est l'album inévitable. Merci Fred. Bah non, en plus c'est sincère. Non, c'est ça fait plaisir. C'est pas facile au jour d'aujourd'hui de sortir un album, une compilation de rap français, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Surtout en plein mois de juillet, c'est un peu compliqué. J'ai pris ce risque-là, je l'assume. Je suis super fier de mon projet. Mes proches. Mais tu peux, ouais. Mes proches savent que ça fait un moment que je le travaille. Vraiment. C'est quoi? C'est combien de temps de boulot en fait là-dessus? Par exemple, Red Devils. En fait, le problème, c'est que moi, je vais pas dire que je suis feignant. Mais un peu. C'est-à-dire que, en fait, il s'est passé qu'après Touche à rien, il y a eu une explosion. C'est-à-dire que j'ai eu voilà les demandes de prod de tous les artistes reconnus ou non du rap français. Donc moi, ça a été un kiff énorme de pouvoir travailler avec des artistes, par exemple comme DC's dernièrement, ou alors Sneezy West, ouais, une prod sur son salue, album, ouais. Dieu merci. Le son s'appelle Dieu merci. Et voilà, donc il y a eu Capital du Crime 4 à la rentrée où j'ai fait 4 prods. Il y a aussi le fait que j'ai pas mal voyagé avec Lafouine. Battle m'a demandé de le remplacer sur certaines dates. Ce qui fait que j'ai pu voyager à l'île Maurice, à La Réunion, au Congo. J'ai pu faire des dates en Hollande même récemment. J'ai pu faire des dates super lourdes avec Lafouine. Donc c'était vraiment un kiff. Et voilà, donc cet album est là, j'en suis fier. Et puis voilà quoi, ça fait plaisir Fred d'être là dans la nature. Ça fait plaisir, regarde les messages aussi, regarde un tueur de prod, ce mec. Ils sont où? Ah voilà, ils sont là, ok. Le frérot POP est venu soutenir DJ Scorp, c'est Agnès qui nous envoie ça à l'écoute de La Nocturne. Agnès c'est une grande supportrice. Je lui passe un mot. Et bon, salut Agnès. Et continue à balancer 41759, le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Et on est reparti pour une nouvelle session. Allez, vas-y, ouais, on est chaud là, c'est parti. Allez, mon vieux. Dans la cabine, t'as goulé denté. Ils m'ont vu les blessés. J'ai fait tomber mon AG, non assistance. Personne en danger. Le rap est fer, ferme là, il menaçait. Voilà, puis je suis financé. T'occuper, puis c'est mon associé. Pour les trousses, bien on s'amuse. Tu sais maintenant sur quel pied danser. Public de ta migration scène, c'est la bande de Gaza. Pique grave cette merde, mais les gros sont bons qu'à ça. Lui demande pas comment ça va, ça fait un fight. Il a pas de montage, voulait la paix. Commander là, il veut me finir comme le Lumba. Ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp, ce soir c'est DJ Scorp. Cagoulé ganté, cagoulé ganté, cagoulé ganté, cagoulé ganté, cagoulé ganté. C'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, ce soir c'est du Discord, gratté, j'ai trop de neige, porte le brassard, c'est moi le capitaine. C'est une ligue qui va la victoire, avec un but à la 80e. 270 mili, oui. J'ai happy comme pareil, 270 mili, oui. J'ai happy comme pareil, brrrr. À la Dagadine, non, j'ai pas connu la cantine. Skyrock. J'ai compris que c'est pas si facile. On t'active, c'est qu'une pute. Lâche la ferme, t'es toi le masque. Achille, l'authentique, c'est la tour qui pète. C'est pour les RG, t'as qu'à tête. T'as fait briller ce putain de quartier. T'as pas les gros arrêtes. Ce soir, c'est du Discord. Ce soir, c'est du Discord. Ce soir, c'est du Discord. Ce soir, c'est du Discord. Ce soir, c'est du Discord. Ce soir, c'est du Discord. Ce soir, c'est du Discord. D'un bon corps, il faut comprendre de gros appart en trop tard. La galère vient du près d'un même des Comores jusqu'au Rockman. Deux enfants à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête, on connaît pas. Donner des places, on connaît pas. Trahir la vie, non, on connaît pas. J'ai fait des millions d'euros, donc fuck you, toi et ta vie d'artiste. Ouais, billard, je te baisse pas par la charte. Passerait bien par l'entrée des artistes. Est-ce que le temps laisse à son des villes. Peuvent l'aller, putain, cicatrice. J'ai salut pas mon vieux, tu me reconnais. Je veux un pitch, j'envoie mon cabis, ça fait du bien. CDC, je vais enfin pouvoir traiter leur mère. J'ai trop de l'air de billets de 100 E. Normal que l'entraîneur me mette au fer. Bouge, quelle soirée de ta vie. Je t'ai dit, ça c'est pas du team BS. Bizarre, ta chaîne est trop tactile. Elle me rappelle ma Nintendo DS. Nique sa mère, les bras. Pour le salon, on a des masseuses. Tire-moi dessus devant la chicha. Dites-leur d'aller niquer leur mère. On est pas du tout dans la même sphère. J'ai 2-3 billards, tu fais HR. J'ai 2-3 ennemis en DHR. La Ligue 1. C'est des pour le sale sac. Est-ce que dans les geôles du tribunal, tu nous trouves encore du Discord? Mais moi qui t'a dit ça, on t'a jamais clash. Connard, on ne tire pas sur les ambulances, encore moins sur les corbillards. Paris à l'heure qu'il est sous Bavaria. Les roues rêvent de Panamera, du salaire de Di Maria. Trop de fils de pute, je les vois retourner la veste à quelques euros. C'est des C4 dans les bacs, détendez-vous, ce n'est que l'intro. Ici y'a rien à gratter. Mon frère, que tes potos qui chattent. T'es mis le soutien, qu'il faut-il quitter le quartier. Arrête, ça pique grave tes palettes. Frérot, tu fais pitié, bientôt on va les braquer. Bientôt on va les braquer. Gardons les gants, des appels, plus de chanter. Les derniers articles, j'ai le crête, coupé, c'est bon, on est paré. Tout vitré derrière moi, c'est bon, y'a que des tarés. Trois tours du périph, le rebeu, il est pensif avec Mounir dans un RS6. Ce plaque est transit, ok, LZK, tu connais pas le zinc. Le rebeu qui fait le macaque et que t'as pris pour une balle tringue. Sûrement, ça, tu portes 2000 euros. Les grossistes n'ont pas de super pouvoir, ils vendent de l'héros. J'ai pris du vide, pris du bras depuis le temps. De dire qu'on était ennemis, j'ai trouvé ça insultant, ok. Moi, c'est que un de mes reufs camerounais. Y'a pas de snipe, pas poulet, diable rouge comme poulet. Je peux te scier les jambes. J'ai rôté ma sasem, j'ai chié mes jantes. Une salope, deux salopes, trois salopes, une chambre. Encore une pouliasse qui veut me faire croire qu'elle chante. Ici y'a rien à gratter. Mon frère, que tes potos qui jattent. T'es mis le soutien, qu'il faut-il quitter le quartier. Arrête, ça pique grave tes palettes. Frérot, tu fais pitié, bientôt on va les braquer. Bientôt on va les braquer. Gardons les gants, des appels, plus de chanter. Ouais, chez moi ça habite grave, ça nique des mamas. Ça veut faire des lovés, pouvoir de Bama. Celle-là c'est pour les frères que l'on défère, que l'on met faire droit à l'enterre ou qu'on enterre, on vit le drama. La vérité sort de la bouche des pookies. J'suis dans la cour des grands, j'suis plus un rookie. J'vais faire des trucs de barbe, c'est l'histoire, on arrive fort ici, c'est quand tous ces MC, j'les prends en doute. B-A-G-N-E-U-X, baisse le beurre à ses fils, les troncs sous X. J'demande une pause, mes fans demandent des pics. Avec mon flow, tes schlags se font des fixes. Mon album va sortir, tous ces rappeurs seront démodés. Tu me craves de la merde, tes auditeurs en font des OD. La haine, c'est la prison, perquisition, tous sont érodés. Le langage est codé, un putain trop est OD. Tomo sous loup, trop relou. Compare pas ces fuck avec ma clique de loup. Ouais, ouais, Ma pisse en guise de flow pour ton gros salopard. Qui? Ici y'a rien à gratter. Mon frère, que tes potos qui échappent. T'es mis le soutien, qu'il faut-il quitter le quartier. Arrête, ça pique grave tes barrettes. Frérot, tu fais pitié, bientôt on va les braquer. Bientôt on va les braquer. Gardons les gants, t'es après plus de chanter. Invraisemblable, va le dire à tes semblables. Mon profil est redoutable, compare pas l'incomparable. À moi tout seul, une armée, je suis chargé en explosif. Voilà que je vais tous vous calmer, c'est mon premier objectif. Je suis trop chaud, touche-moi, tu te brûles. J'articule et le flow circule. MC recule ou je te fume sans rancune. À la vitesse, ça perd à l'Europe. Tu me rates en peur, plus rapide que Panamera. J'ai même pas si tu me verras. Mister, c'est R.O.M.A. Comme moi, casse floca. Je suis dans le game, putain, le mode en mode foca. Je crois que t'as pas compris, on t'a mal expliqué. Moi, je m'en bats les couilles, je suis pas là pour piquer. Je vais tirer, niquer. Fais la comme les autres. Ça, c'est un inédit. Pour la nocturne. Mais qui vous a donné la permission? Il y aura peu de la merde. Monsieur Chroma. Attention, c'est placé qu'à fondre. Et un affoute de leur objet. 3010. C'est marqué pour pub. Et non, tiens, afin que jamais tu nous jettes. Déjà laissé sur terre, on est. Mais guette. Allez, tout pécho l'album de 3010 qui est dans les bacs. Nemo. La drogue était juste et jouée. On t'aime grave suspect. Pas de putain sur ciel suspend. Car la ville me voit dans le rétro. Et un jour, on est pour que dalle, je vous pète. Il y a plus de monde. Plus de tête, plus de gommes, voire plus de fêtes. Sûrement planqué dans un genre test avec genre de fesses qui cherchent bonne presse. Ils mentent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête de tirer. Politique ou bien rap, je sais, mecs, on va se faire virer. Simplement, vraiment dissonant, sont les fonds sonores qu'entraîne ma devant. Je suis gormé, parle peu, je te tends, je viserai. Tes gens, tu sens, tu veux notre flow. Dédicace à DJ Battle. Ne sors pas mon blague devant Pekno. Ok. Je suis pas comme Metro. Et de 2 ans à 5, je suis caché. Un blague pas net, gros. Mon rap t'en t'es, gros. Y'a 5 ans, je grappais, je grattais. Dino Spanchlinovic. À part faire de hit parfaire, mes rimes, je pas le faire. Si les gars sont pas à faire, j'aime pas le même rap que les autres, je suis décalé. Parfois, je suis comme Voltaire et Montesquieu à des années-lumière. J'écris des textes hardcore pour ta grand-mère chiale. Quand j'aurais plus d'inspi, je ferais du commercial. Je passe mes nuits à gratter, gratter, je rappe, j'éclate le mic. Hey yo, je suis trop chaud, mon thermomètre fait des conditions spontanées, tannées. J'écris des textes, mais vague, mais je suis pas. Scatophile, peur de me transformer en loup-garou. J'écris plus le soir que des faces de gamin. Mon album c'est Peggy plus 3. Cette fois je fais écran, tu me vois tout par c'est le cas. Y'a trop de flow, je suis au coup, branche les pères en finesse. Monsieur Pesso 1 par les gars, par les gars qui parlent les gars, vous parlez grave. C'est le but de trop. Si tu me demandes, je débite trop. Tu rap pour les opprimés. Big up à toi, frérot. Personne n'avale ce que tu dis, tu t'es dopé, ta faim va s'imprimer. Tu te prends pour un vampire, tu vis la nuit, mon dieu, tu en voulais. Y'a Square et les autres, maintenant je suis bien, mon vieux, tu me reconnais. Tu me parlais en face et rap, on supplie. Ils gèrent des garces grâce au cupi. Ils prennent de la place, mais pas en dupli. Perdent la face devant leur public. Normal qu'ils montent, ils tirent le maillot. Attiré par le feu. Normal. Moi, pour marquer, je me prends la tête, puis tiré par les cheveux. Monsieur Olkari. Allez tous pêcher au Red Devil, c'est dans les bacs. Faut-il leur expliquer comment faire? Préparez déjà vos soins dentaires. Là c'est dur, tu veux quoi mon frère? Négro mets la balle à terre. Aussi chiam sans vos titres que les commentaires. MC je suis ton père, suis bien mon repère. Un bouc de Chris Cross, un bouc de Rick Ross. Je suis capable de faire un carnage sur un beatbox. Quand je vois le boy rouge et la biscotte, là je dis stop sur le son de mon ami Scott. L'impression que je suis seul à remarquer que toutes tes armes. Où est l'arbre, tous sont vos habits. Avec vos rappeurs d'aujourd'hui. Les boucs qui insultent ta mère avec une barbe et une Barbie. Mais que veulent ces gens? Que veulent ces gens? Le game voyage avec trop d'excédents. Trop décevant, même si tu te couches comme Miley. J'arrive, j'enlève mes bandes. Je vais les chicoter à main nu, les poings fermés. Va falloir m'enfermer ou la fermer. Dis-moi comment tu vas fermer, gros. Sans forcer, j'ai contracté comme pas permis. Je vais alterner, punchline, écoute bien sauter. Freestyle et double crochet. Demolition Man. Laisse-les tomber dans le vide, pour de faire ma chose au hit pour la chauffer. Je n'ai jamais su faire semblant le style de Taylor Jack. OG, Bobby, Johnson. T'avais trouvé vos yokou dans une taille de Jack. Crier, crever ensemble. Et vos potos, oui vos potos, ceux qui vous mentent, vous êtes au top. Vous les blaguez comme le Joko, Kaira dans les photos. Bye bro, chef de fiat, toujours sans terre comme mon nez bloqué. J'vois mes couilles et mon froc, votre gros qui j'suis dans le cockpit. Mets du piment dans mon pocket, j'suis pas un gentil, j'ai goût mes rocky. J'suis comme un gros vie, qui t'a dit toi que tu t'aides. La rime est laide, tout affiché sur le web. Et en plus personne te dit rien, c'est juste belle. N'écoute pas mes clichés. La ramasse le flot par terre. Et le bon se pavane, la rime gâté. Comme un gros du cartel. Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Il dit la vérité, ton poids est nul. L'album est dans les bacs. Il dit la vérité, ton poids est nul. Il dit la vérité, ton poids est la merde. Il dit la vérité, ton poids est nul. Il dit la vérité, ton poids est la merde. Il dit la vérité, ton poids est nul. Non mais dis que la vérité. La nocturne DJ Scorp au contrôle, vous l'entendez, franchement, Red Devils, c'est l'album qu'il faut avoir absolument. Je pense aussi. Je pense aussi, Olkari à l'instant, ce morceau. Olkari, monsieur Olkari. Et puis un titre inédit aussi hein, que t'as balancé. J'ai balancé un son qui s'appelle Panenka, qui est avec Chroma 3010, Dino Penslanovic et Pessoa, qui va bientôt être disponible sur mon YouTube Vevo, sur mon Soundcloud. D'ailleurs, où on peut te suivre, Scorp? Alors ma page Facebook, c'est tout simple, c'est DJ Scorp. Il y a beaucoup de DJ Scorp. Vous allez voir le DJ Scorp qui a le plus de j'aime. Donc c'est moi. C'est toi. Tout à fait. Donc voilà. Et je réponds en principe quand on m'envoie des messages. Je tiens à le rappeler aussi. Bah attends, dis pas ça parce que tu vas te taper quelques milliers de messages. Non, moi je suis ouvert. Moi j'aime beaucoup que justement qu'on m'envoie des messages. Tu vois, depuis ce matin, on me dit ouais, ce son il est bien, ce son il est nul. Cette prod, t'aurais pas dû mettre lui. Je le dis, je devrais pas le dire. Hein. Mais je reçois beaucoup de messages. Et sincèrement, ça me fait plaisir parce que les bonnes comme les mauvaises critiques sont bonnes. Et sur mon prochain album, car il y aura un prochain album de DJ Scorp, eh ben je prendrai en compte certaines remarques. Peut-être que je travaillerai certaines prods différemment. Mais voilà quoi. Donc je suis vraiment ouvert sur mes réseaux sociaux. J'allais te demander justement, Scorp, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que idéalement t'aimerais? Alors là, je vais faire le carré tout de suite. Vas-y, carré. Moi, je suis DJ Sultan. Monsieur Sultan, yes. Qui arrive à la rentrée avec un album qui s'appelle Condamné à régner. Il nous l'a annoncé cette semaine dans le Planet Rap de Cindy, ouais. Voilà, donc moi je suis son DJ. Oublions que je suis son DJ 2 minutes. Je sais qu'ils m'écoutent, ils sont tous au Portugal. J'ai reçu un WhatsApp, ils sont en train de m'écouter. Et bah, une grosse dédicace à eux au Portugal déjà, première chose. Une grosse dédicace à eux, voilà, Sultan, Mike, Jeff, Screech, David Carrera, voilà. Et oui. Le son piqué. Ce serait bien que tu le joues, Fred, le son piqué. Et bon, on va le jouer après, tranquille. Ça va être le son le plus hardcore de ta nocturne. Il faut que tu le joues. On va le mettre il après. Il est super lourd. Dans une session super hardcore, on le mettra. Donc voilà, je reviens vite fait sur l'album Condamné à régner, dans lequel j'ai fait 4 prods. Voilà, on a pu voir en ce moment Sultan qui fait des sons vachement été, vachement soleil, super ouvert. En même temps, c'est normal. C'est normal. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire aussi, Fred. Donc voilà, moi je connais son album, il est juste extrêmement lourd. Ça n'a rien d'original quand je dis qu'il est extrêmement lourd. Tu vois, tout le monde dit mon album est lourd. Non, mais sincèrement, moi je le connais depuis 2007 avec Mike, qui est son manager. On a vraiment parcouru plein de choses. Cet album, pour moi, est le meilleur album de Sultan, celui qui arrive à la rentrée. Des jours meilleurs étaient lourds. Celui-là, c'est le meilleur album de Sultan. Je sais ce qu'il a fait dans cet album. Je suis un peu les commentaires. Moi, je regarde tout. Je peux te dire que Sultan est un rappeur, un putain de rappeur. Sincèrement, t'es d'accord avec moi, Fred? Ah, mais moi, je suis super d'accord avec toi. Pour l'instant, je valide absolument. Voilà, est un putain de rappeur. Moi, je tourne avec lui. Je suis son DJ. À chaque fois qu'on fait des très fort. Qu'on soit en concert, qu'on soit en chicha, qu'on soit partout dans le monde, à La Réunion, on a fait le Maroc, on a tout fait avec ce temps, on a fait l'Algérie il y a une semaine, c'est rempli. C'est-à-dire que les gens viennent, chantent les sons de Sultan. Donc il a un public, Sultan, et cet album, pour moi, va élargir son public vraiment, parce que c'est un album de qualité. Donc ça, c'est l'avenir, t'as bossé c'est sur l'avenir, l'album en fait, de Sultan. Pour te dire, c'est l'avenir, j'ai bossé sur l'album de Sultan, donc à la rentrée, je vais être surtout avec lui, car je suis son DJ officiel. Official DJ. Official DJ from Sultan. Yeah. Et, ou Sultan. Sultan, ouais, Sultan. Ça dépend, si tu veux parler qu'un riz, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, son album arrive à la rentrée, je le big up. Et ça va être plus ça mon occupation à la rentrée. Maintenant, moi aussi, il y aura ma tournée promo qui arrive en septembre. Voilà, donc je suis dans le label SK Record, qui est un label qui monte. qui est un label. Le label qui monte. Non, c'est pas un label qui monte, c'est le label qui est en haut pour moi. Oui, enfin, pardon. Bah, tout à fait. Voilà, donc c'est, je suis là, il y a mes frérots, il y a tout le monde qui est là ce soir. Bah, tu peux saluer d'ailleurs les gens qui sont autour de toi, hein, n'hésite ouais, pas. Ouais, je les salue. Il y a Momo. Il y a Mohamed Gouressi, bien sûr, qui est mon manager producteur exé, qui est là, qui se balade dans les couloirs. Qui avec un chapeau magnifique. Avec un chapeau magnifique, toujours. Un t-shirt Street Swag, non? Ou je me trompe? Non, c'est un t-shirt de Lyon, de mec qui veut pas rigoler, quoi. C'est, ah non, que... voilà, donc c'est le mec qui a plus le temps. Donc, ok, il y a tous mes frérots. Il y a Almasso, bien sûr, Almasso, donc c'est mon booker. Almasso, c'est mon booker, donc pour tous donc ceux qui veulent me toutes les soirées de Scorp. Toutes les soirées de Scorp, et Dieu sait qu'il y a des demandes sur ma page officielle, et je fais qu'un copier-coller, almassobooking@gmail.com, almassobooking@gmail.com. Donc booking, si vous n'avez pas comment ça s'écrit, vous allez sur Google. Et ben on trouve booking. Voilà, donc si vous voulez me voir dans vos clubs, dans toute la France, au Maghreb, à La Réunion... À l'île Maurice aussi, j'aimerais bien retourner. Le Sofitel avec la Fouine, c'était pas mal. Si vous voulez, sortez les dossiers, Maurice, sortez les dossiers. En Afrique aussi, j'adore, franchement, je suis là. Donc l'idée, c'est tourner, des sons aussi pour plein de gens, je suppose. Il y a voilà, des sons pour plein de gens, pour des prods. Je travaille sur d'autres albums qui arrivent à la rentrée. Donc je peux pas en dire plus. Je big up au passage. À la fin, il y aura des dédicaces, Fred. Hein. Je te préviens, il y aura 5 minutes de dédicaces. Ouais, tu m'as dit. Je big up Nassim qui est là. Il y a Patrick qui est là. Donc Patrick qui est Escal Record. Il y a mon gars Pop. Attends, bien sûr. Attends, dédicace après. Là, on repart sur quoi? Tu m'as dit, il y a un morceau qui. Ils sont pas beaucoup là. Tu veux pas que je leur dise leur mot? Ils sont en train de kiffer. Vas-y, je vois, il y en a, ils commencent à se gratter sa barbe. Vas-y. Il y a Nino, il y a Franck, il y a Zizir, il y a Mamdi. Il y a Kiki, il y a le frérot Mehdi, voilà. Et voilà, et puis Nassim, je sais pas si je t'ai dit Nassim. Si, il a dit. Nassim, il a dit. Voilà, que, le grand Nassim que tout le monde connaît, le maire de Saint-Ouen. Voilà. Donc, bon, par contre, on repart sur un son tout de suite. Vas-y, faut que je passe. Ouais, voilà. Non, là, c'est sérieux, là. Attention. Alors, un petit mot sur le son que tu vas passer maintenant. Voilà, donc moi, je suis DJ Score, je viens des Hauts-de-Seine. 9-2. J'ai grandi donc jusqu'à mes 20 ans à Rueil-Malmaison. J'ai été bercé par le rap français de, on va dire, de Beat de Boule. Mmh, normal, donc Pont-de-Sèvres, toute l'école Pont-de-Sèvres. Exactement. On reviendra sur les dédicaces par tout à l'heure, j'en ai plein à faire. J'ai fait un son avec Mauvaise Langue. Ouais. Donc L.I.M., Cessnino et Boulox. Mmh. Et Issaka. Boulox Force. Issaka, qui est un ancien membre du 9-2-I. Voilà, donc j'ai fait un son qui s'appelle Multiridivis, que pour diverses raisons, je n'ai pas pu mettre sur l'album, qui date de quand même un petit moment que je voulais jouer en exclu, donc dans cette nocturne. Donc, après, ça, c'est un titre qu'on peut trouver pour l'instant que sur Skyrock, là, tout de suite. Ah là, c'est un inédit pour toi, Fred. Donc, totalement inédit. Ouais, t'es content. Donc, on retrouve Mauvaise Langue. Ouais, on retrouve Mauvaise Langue. Donc, comme je t'ai dit, L.I.M. au refrain, Boulox, Sentino, Issaka. Et c'est un son qui s'appelle Multiridivis, donc production DJ Scorp. Donc. Salut mon vieux, tu me reconnais. Salut mon vieux, tu me reconnais. Je l'envoie, je leur passe un gros big up. Salut mon vieux, tu me reconnais? Cocaïne, Medina, Medicare. illicite, toute l'équipe fique. Sense Nino. La clou est trafic, les boys dans de l'Afrique. Ce qui est scrap dit. Allez mon vieux, tu me reconnais. Street, les ghettos, nique la justice qui nous guette. Nous jette, on trouve, on vous emmerde, personne ne regrette. 92. Ça triste, on est des polos là, et non des artistes. Avant d'être des rappeurs, on tire, on est multi-récédé. Est là. On aime se marrer, on s'amuse un peu, vite on s'égare. Se parer, la rue des rois, impossible de nous séparer. Les délits, je récidive, j'insiste. Multirécidiviste, eh. Sur la liste des coupables, nique ta mère la pute si ton corps. Tu passes à table, eh. Multinational, on cherche à faire du profit. Nos halls, nos coffres, c'est ici qu'on officie. Monsieur Isaka, c'est donc multirécidiviste. Multiplie les tentatives, mais au bout, c'est déficit. Malécal mort. Si le taf, c'est perdre sa vie, elle a gagné. Alto, c'est gagné. Allez, jeunes, allez sur Google, tapez Malécal morte. Tout le business illégaux. Tapez mauvaise langue. On consomme à l'aide de substances illicites. J'entends dire qu'on perd au change, qu'on vendange nos chances. Mais lesquelles, quand on se trouve au tribunal, yeah. L'instance d'abord. Allez mon vieux, tu me reconnais. Pour déjouer mes pronostics, je m'efforce à ne pas échouer dans mes échanges, même si c'est dangereux. L'ange en vaut la chambre, elle finit les projectiles et les cocktails. Ouais, politique, t'as vite compris qu'on a les nerfs. Et si ça continue, faudra un jour tout foutre en l'air. Si tu scores pour platine, ici les gamins tapent. Je chasse le cul de l'Austin Martin. Fais péter la cantine. La rue c'est ma cantine. Des petits en vente la cocaïne. Made in Amérique latine. Écoute ma cantine de multirécidivis. Car ici on est tous multirécidivis. Inscrit sur la liste des coupables. Nique ta mère la pute si coco. Tu passes à table. Ouais ouais ouais. Le son sera bientôt disponible, hey. Sur mes réseaux sociaux gratuitement. Je vous l'offre. Mauvaise langue Isaka. DJ Scorp, 2092 ans. Voilà. Hein. DJ Scorp, attention, alors. On baisse cette prod qui est magnifique, c'est normal, c'est de DJ Scorp. Bah, c'est toi. Donc voilà, donc en fait, il faut me suivre donc, sur Instagram, c'est DJ Scorp 2092. Voilà. Voilà. Donc sur, comme je t'ai dit, Facebook, DJ Scorp tout à l'heure. Mon Twitter est aussi DJ Scorp 2092. Et c'est tout, voilà. Scorp. Red Devils est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut télécharger légalement, on peut le trouver également, aussi en CD, ouais. Hein, on peut le trouver un peu bien partout. Bien sûr, il est dans les Fnac, etc. Quoi. Allez le récupérer, il y a plein de bons sons. Combien d'artistes en tout, Scorp, dessus? Tu sais à peu près, grosso modo? Non. Ok. Je vais compter, je te dis ça dans 10 minutes. Bah, dans 10 minutes. Ok. Puisque là, on repart pour une nouvelle session et après, on se dit au revoir. Ouais, on repart sur une nouvelle session, voilà. Donc, on repart sur quoi alors? Là, on va repartir sur le son qui clôture mon album, voilà, qui s'appelle Red Devils, où j'ai invité plusieurs rappeurs. Donc Cozy, Pop Bear, Block Rider, Bassirou, Wormstay, Solo Limit, à qui je passe un gros big up. Et voilà, on va jouer des sons, même des sons qui... On va jouer le son de, ouais. De Ghetto Phénomène aussi, les Marseillais. On va jouer le son de Fababy. Enfin, les gens vont découvrir au passage. Et je vais essayer de faire un mix des derniers singles de tous les gens qui sont sur mon projet. Il y a 3-4 nouveaux singles. Dont... Bref, on va voir, t'inquiète. Ça va être Scorp, freestyle, DJ au Scorp, contrôle de la nocturne. C'est reparti, yeah, maintenant, c'est parti. Avec un extrait de Red Devils qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Salut mon vieux, tu me reconnais? Vois ta rafusie à bombe. Les frégas sont de mon côté, faut pas que tu trompes. Est-ce que tu reconnais qui a fait cette fucking bombe? On prend des peines de prison, ils me prennent des bombes. Pour écouter depuis longtemps, je défonce les bombes. La moitié d'un trait, c'est la moitié d'un bombe. La moitié d'un trait, c'est la moitié d'un bombe. Obligé de reprendre raison sur un Davis. Je vais t'y sortir les yeux, tu vois comme si t'as du vice. Ne plonge pas sur ma peine, tu récidives. Tu te dis hétéro, mais tu suces des pénis. La roue tourne comme une bitch sur ta playlist. Tu pleures tellement fort que même les sourds m'applaudissent. Lis pour la mère à tous ces gens qu'appellent la police. Je suis déterminé, après que je t'ai pillé, je te jette au terminus. Dégage. Si t'en as dans le ventre, on va te faire chier tout le contenu. Tout. Toujours à la page, toujours à la balle, mais jamais dans les bouquins. Je vais égorger le rap game, marcher sur son sol pour me faire des loups boutins. On est cruel, ta balance, on t'attend dans ta ruelle. Ta chatte est trop bas, laisse pour que tu sois plus elle. Y'a beaucoup trop de chaînes pour que je reste fidèle. Ne m'appelle pas, j'suis pas lâche avec des tiagas, on se fidèle. Le premier fils de pute qui veut test finira dans ma vogue, nègue. Ça veut me tirer dessus, au final veut tirer sur ma bug, nègue. 900 bancs le sud, tu l'as dans le cul, ça t'allume pour la mala. Malin, malin, j'rappe pour ma rue, j'sais que j'suis attendu. Bon comme but. La villa à la marque, que t'apposera comme un enterre. Toi mais mon chéta me fait tout voir à l'envers. Personne ne se sera sauvé par le compte. Même dans les apparats, il peut aller en enfer. Valérie ton nom de BR, ne fin zère. C'est souvent le bon qui se retrouve en rêve. Je baisse plus de plomb sauf si c'est en chair. Je ne rêve plus de compte sauf si c'est bancaire. Et fait ma demande à saouler, ouais. Mon casier judiciaire est le meilleur de mes classiques. J'écoute pas tous ces vieux rappeurs, ils sont rincés. J'ai toujours rappé dans les temps même quand y'avait pas de beat. Tout ça par un bang, on est sur le rinté. A chaque billet violé, mon cœur s'en bat les palpites. T'as fait chez l'aspire, faire du bif c'est casse-pire. Rêve de liasse, t'as le père, Block Rider, dédicace à saouler. J'dis non dans la droiture, j'dis pas oui dans la traîtrise, monte à l'arrière de la voiture. Monsieur Bastirou, j'ai la maîtrise, euros, c'est ce que j'espère. Et je crois bien que c'est mon droit. Bagneux, je m'en prends la cachée million de meusters. D'ailleurs, t'en as encore un peu sous l'œil droit. Passe à la baie. Mets bien ton cul sur la chaise. J'ai les images et les mots qui leur plaisent. Mets des vis dans les plaques. Poli et vulgaire. J'aime me faire sucer par la langue française. J'ai pas encore sorti les crocs, j'en garde mes proies. Calme, posé sous le bas au bab. Ressens le seum, la rancœur d'un négro. Mets des vis, mets des vis, mets des vis. Quand tu viens des hautes scènes, comment faire de la demeure? Comment ne pas venir et shooter dans le tas? J'ai poussé dans les chiffres, éviter l'éphémère. Si ça pue la merde, mais ces rappeurs ne sentent pas. J'ai traîné, traîné, t'es dit en cuir. C'est Bago, Fred, Levis. Je ferai singe à personne qu'il me la fasse lui. Talibé, gang, Red, Davis. Ok. J'ai du mal à redescendre sur terre. Les autres se croient au-dessus de nous. Ok. Même un oiseau a besoin de se poser. Donc on a déjà creusé leur trou. Ok. On opère à la rafleuse. Veux pas, tout le monde peut l'acheter. Je suis dans le fer. Son cul est tellement gros qu'il déborde du siège. Baquet. Baquet. La violence est partout. Y'a mon blaze aux infos, moi si qu'il faut baiser l'état comme une info. Y'a des puces au dépôt, de la friture sous le réseau. Les petits bigraves des frites, mais pas celles du McDo. Je veux une putain d'escorte comme au jugement de mes voyous. La prod c'est DJ Scorp, la rue elle est faite par nous. J'ai pas le temps, je viens de casser ma Rolex sur un fou. Mes frères sont au trou et moi je suis dans un trou. Devant la terreur ils sont pas prêts, devant la tumeur ils sont pas prêts. J'ai toujours représenté la force de la rue. Je fais du sale, ça fait rex. Je suis dans l'auto, je les alimente d'après. Ils racontent que tu faux. Moi la rue la fraise est chaud. Toi tu fais semblant de ne pas me voir alors que je suis dans les bagues. Monsieur Solo le mythe dans les bagues. Toi moi vite de l'instruction. Ça y est c'est dans les bagues. C'est toujours le style à tes c'est dans les bagues. Évidemment vu que ça y est c'est dans les bagues. Chez nous les petits c'est dans les bagues. Dédicace à ça y est c'est dans les bagues. Solo le mythe MC au sans flanc. 3701 c'est dans les bagues. Depuis tout petit on marche sans force. DJ Scorp c'est dans les bagues. Restez tout marqué dans vos maisons cause. Nos putains tout bâtiment nous s'appuie. C'est dans les bagues. Surtout ce que t'entreprends mon ami. Tout on va le chercher. C'est dans les bagues. N'abandonne jamais jamais ceux qui te disent ça t'appart. C'est des amènes, le raccro ou pas ou pas. Sénégalais, leur du vrai rap français ma gueule inégalée. Le CD est à la Fnac, tu sais ce qui te reste à faire. Sur iTunes, tu sais ce qui te reste à faire. On attendra pour le couscous, frère. Ramenez vos mères chez vous. On n'est pas des mythos. Ok. Red Devils, Red Devils, Red Devils. Dédicace à mon gars Cozy. Son album est dans les packs. Red Devils, Red Devils. L'homme à abattre, allez tous le pécho. Hein, le son que je vais envoyer là, c'est Monsieur Fa Baby. Le son est fou. Baby, baby, no more. You know? Tu just got. Hey. Oh. Salut mon vieux, tu me reconnais? Bouka bandouré à la craie, que tout le monde s'en aille. Mais gras avec un pont, mais tu peux avec un grenaille. On piquera même les gens verriers, fuck les 8 mai. Me prends pour Marlo, Evan, Weebay. Bouka bandouré à la craie, que tout le monde s'en aille. Mais gras avec un pont, mais tu peux avec un grenaille. On piquera même les gens verriers, fuck les 8 mai. Me prends pour Marlo, Evan, Weebay. On a rien, on veut ce carotte, on se la met comme dans le porno. 9-3 noyés dans la violence, j'ai que les sirènes c'est pour nous. Vu que la juge m'est pas bandée, elle met des peines à la barre. En groupe de cité, en noir, on tenait des balagas. Y'a de la haine, de la peur, de la colère, oui dans mon lexique. Comme ici, domicile extérieur, j'suis avec mon équipe. J'fous la merde comme Zed, viens créer mon propre tournoi. Traîne avec deux, trois aérois qui prennent ça, c'est pour moi. J'fous le bœuf quand j'arrive, j'ai tellement peur qu'on m'oublie. Escale dans le sale, parce que la colère nous guide. De la vengeance, ça dépend du hardcore et des flingues. Dans la rue, tout pira, les gens m'insultent de singe. J'ai la parole d'un grossiste, ce que je dis est détaillé. Sans foutre ton hospitalité, on te fume devant ton palier. Pour qu'avant tout à la craie, que tout le monde s'en aille. Mais crois avec un pont, mais tu peux avec un grenaille. On piquera même les gens fériés, fuck le 8 mai. Me prends pour Marlo, Evan, Weebay. Pour qu'avant tout à la craie, que tout le monde s'en aille. Mais crois avec un pont, mais tu peux avec un grenaille. On piquera même les gens fériés, fuck le 8 mai. Me prends pour Marlo, Evan, Weebay. La tombe au souci, de la pleure au fusil. Avec des scies, on coupe du bois, on joue des notes de musique, you know. Au lieu d'être content pour maman, c'est bâtard m'envie. Avoir ta sassem, non, je préfère aller mendier. On court vers le péché, mon valentement serpent. Ce que t'as dit en boîte, faut l'assumer en sortant. Faut coller des nigos, j'suis pas un putain de mytho. Pour les petits jeunes icônes, j'ai réussi sans petit peu. Ils veulent punchiner comme moi, mais trop grand et les gars. Avant la rage dedans, ici on se plombait déjà. Sex shit, text vite, c'est qu'on a mixé. Comme la police, on mitraille, ensuite on s'explique. La vie me dégoûte, j'ai vu des batraques faire les fous hein. La vie me dégoûte, j'ai vu des larmes s'échouer sur des joues. Pour qu'avant tout à la craie, que tout le monde s'en aille. Mais crois avec un pont, mais tu peux avec un grenaille. On piquera même les jours fériés, mais tu sois un me prends pour ma Evan, oui, pour qu'avant tout à la craie, que tout le monde s'en aille. Mais crois avec un pont, mais tu peux avec un grenaille. On piquera même les jours fériés, fuck le 8 mai. Red Devils, et dans les putains de braques, ma gueule. Pour tous ceux qui me soutiennent, un gros big up à tous ceux qui m'envoient des messages depuis ce matin, ça me fait énormément plaisir. À tous ceux qui achètent l'album, c'est comme ça que nous les artistes on peut continuer à produire pour vous, les amis. Et quoi qu'il arrive, on continuera à produire pour vous, la famille. Dédicace à mon gars Fa Baby qui sort son album à la rentrée. Et je peux vous dire que c'est du lourd. Ok. Tu reconnais la prod, ma gueule. Salut mon vieux, tu me reconnais. J'espère. Hey. Ok. Red Devil, c'est dans les putains de bacs. Ok. On se fait la guerre. Une grosse dédicace à mon gars H Magnum. J'm'en bats les reins du terme. Son album Gotham City arrive à la rentrée. Celle-là, c'est pour lui. Frérot, tu me connais pas donc ne me prends. Nous on est privilégiés, frérot. Je vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Ok. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Le son est chaud. Aucun mytho, dealer de chez nous, y'a aucun mytho. Aucun mytho, dealer de chez nous, y'a aucun mytho. Mytho. Tu dis l'isime, fais pas d'illusion. Ne me compare pas aux autres, ils sont nullissimes. Que des inédits, fais pas d'allusion. Ne parle pas dans mon dos, je vais te fermer les cils. Je fais mes propres mélodies, bon j'avoue c'est pas Billie Jean. Petit si mon album était une grosse, ce serait les Didi. Les vrais me félicitent pour ceux qui me sollicitent. Je voulais écrire sur ma page, je fais plus de films. Qu'est-ce la folie, j'ai des fans dans la police. Qu'est-ce la folie, elle veut qu'on joue au cartes dans son lit. Ok. On se fait la guerre, guerre. Tu peux me retrouver à l'after. Allez frérot. Les dédicaces, elles arrivent pour tout le monde, les frérots. J'ai oublié personne. Restez branchés. Je vais te faire planer même sans pilon, enfoiré. Pas la même planète, pas le même filon, enfoiré. Aucun mytho, dealer de chez nous, y'a aucun mytho. Aucun mytho, dealer de chez nous, y'a aucun mytho. Tu connais l'usine. Maintenant finition, je ne ferai pas de cadeau à part à ma fille. Je suis un érudit, j'ai des munitions. Ici c'est de l'inspi pur. L'album Gotham City arrive à la rentrée. Restez prêts, H McDon, mon gars, sûr. À force de dire qu'on n'a rien, on a là, c'est mon gars Docteur Beliz. Mais on s'accroche. Je passe un gros big up. Eh hey, frérot, j'ai hâte qu'on fasse le clip. Demande à H. Fred, merci de me laisser les commandes, t'es un bon. Score. C'est lui qui a les contrôles de la nocturne ce soir. Oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetté. Il est temps que je te soulage. Je vais devoir m'endetter. annonce la tempête. Je ne suis pas seul sur ce chemin esquinté. J'ai les deux pieds cloués au sol, mais je toucherai le sommet. Je n'ai pas classique comme raison de vivre, j'ai d'autres cibles sans rancune, même si je m'épuise. Même et quand le public chante, je retrouve la force d'avancer et je me défonce. À force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien mal. La réussite me paraît loin d'ici, et pour l'atteindre j'ai déjà des crans. Mais qui vivra, vivra. Docteur Berry's arrive. Mais personne n'est blessé. J'ai fait danser les fous sans jamais agresser. On va enchaîner. Ok. Gros big up à mon gars Soulé et à mon gars BR Block Riders. Exclusivité. Ça fait partie des freestyles Feman. Disponible sur le Facebook et la page de mon gars BR Block Rider. C'est du très très lourd, mes Feman, comme il dit. Red Devil, c'est dans les putains black. Et je leur passe une putain de détente. Le canon sur la tempe, c'est l'histoire d'un billet 10 qui voulait chier que des billets 500. Ghetto You demande à Zez, du son pour les mecs de Tess. Mets pas ta pite dans son terre, collé dans mes affaires, tu vas sniffer de la cesse. Block Rider, t'as rafalé pour ta fouma. Tu sales sur une pointe à coulasse, on s'en bat les couilles, on les écrase à la souche night. Tout se paye, même les services. La mort pour avoir la belle vie. Je vois la vérité en face, pour la Z calibrée, je suis prêt pour un selfie. Que des haineux, pénard si tu fais mieux, je calcule plus ces merdes. Je préfère tirer la chasse. Pas de ça, tu Facebook, on les remonte chez eux. Et tous ces rapports foireux disparaissent comme un Snapchat. Je suis dans l'ascenseur du building avec mes gars. On a déjà des connexions à tous les étages. B-R-B-L-O-C-K-R-I-D-E-R-P à tous mes fémans. Je suis pas un rappeur, non, je suis pas un rappeur. Toujours à niveau au-dessus, oui, je suis comme surélevé. Je suis un producteur, je veux Justin Bieber. J'envoie mon type, rip, sur élevé. Je m'en bats les couilles, j'envoie que des freestyles. Oh my god, que mon faux soit béni. J'ai pas attendu le peur à pour cry. Pour faire du faux son, faut le faire pour le plaisir. C'est l'heure de faire les cons, vouloir clasher BR, c'est con. Quand payer sa sécurité avec un chèque en bois. On m'a dit la route est dangereuse, non, ta vie jamais de voler. Quelqu'un qui est plus vite que toi. Je suis dans mon vaisseau spatial. Le son est lourd. Un baiser de la mort, même quand l'ambiance est glaciale. Hey, je te vois, mon gars. BR, je te vois, mon gars. Dans la chatte, pour passer les douanes. Je finis chez la PAC. Un doit d'être dans les packs. Trouve-moi dans le vide. Jamais sur la piste. Toi de Versace, Versace, Versace. Non, moi c'est souffrette et abuse. On les emmène. On les emmerde, moi j'ai rien à prouver. On les emmerde. C'est vrai. C'est vrai qu'on les aime refaites en vrai. Quand elle danse, tu l'approches, tu la quêtes. Nouveau son de LECK, ma gueule. Généralise pas, ça se répète, Madame c'est vrai. C'est vrai qu'on les aime coquettes, c'est vrai. C'est vrai qu'on les aime refaites en vrai. Quand elle juste danse, après. Tu l'approches, tu la quêtes, c'est vrai. Fin le son de Sultan et David Carrera. Généralise pas, ça se répète, c'est vrai. Certains ont marrant, d'autres à conquête, c'est vrai. Son mode de vie, c'est faire la fête, c'est vrai. Ce sont les mères de demain, de vrai. Elle veut me comparer, c'est ça le pire. Elle voudrait savoir si je les aime pas. Mais non, le ramadan, il arrive. Elle aura ses règles même si elle se partage. Elle est partagée. Entre le bien et le mal, elle est partagée. Elle est partagée. Madame tout le monde, dispo gratuitement sur la Passion Clone de LECK, mon gars. Le son classico, le clip arrive bientôt. Après le ramadan, elle est partagée. Cardio est puissant, man. Oh la chica, cette fille elle est formidable. Sa beauté est mémorable. Elle danse, on est sous son charme. C'est Madame tout le monde. Oh la chica, cette fille elle est formidable. Sa beauté est mémorable. Elle danse, on est sous son charme. C'est Madame tout le monde. C'est vrai. Si elle danse et qu'on joue du violon, c'est vrai. Pour elle, tu le casses le violet, c'est vrai. Laisse-moi au quartier rêver, frère. Galère dilée ou fumée, c'est laid. Son grand frère se doute de rien. Coup de foudre ou coup de rein. Kebab ou resto halal. Le boutin promenade sur Paname. séparer c'est ça le pire. Oui mais bébé c'est pareil pas. Elle veut me rentrer dans sa matrice. Mais parler sur les gens ça ne paye pas. Non, ça ne paye pas. Je sais, c'est toi. 100% rap français. Planète Rao. La nocturne. Entre le bien et le mal, elle est partagée. Nouveau LECK. Elle est partagée. Elle est partagée. Hola chica, cette fille elle est formidable. Sa beauté mémorable. Nouveau Sultan. Mon frérot. Tous les mecs qui parlent de Sultan, je les baisse un par un. Écoutez-moi bien. Le mec le plus crédible du rap français, c'est ce monsieur là. Gros big up à mon gars Mike, à mon gars Sultan. Jeff Rich, j'espère que le clip est lourd, mes enfants. Yeah. Piqué, le son est disponible sur iTunes. Hey, 40 000 gangs, allez tous vous faire enculer. Le son est sur iTunes. L'impression que c'est tout le monde qui souffre quand t'es en danger. J'ai l'hospitalité de ton corps, ouvre la porte d'entrée. Embarrassé, je t'enlacer, te contempler. Ton cœur barré à le vent qui souffle sur le monde entier. L'impression que c'est tout le monde qui souffre. Score pour Platine, pour son gars Sultan, pour son gars Mike. J'ai l'hospitalité de ton corps, ouvre la porte d'entrée. Pour son gars Screech, pour son gars Jeff. Ok. Almasso il est là, il est en train de rigoler. On s'en bat les couilles. Je suis piqué. Le son est lourd ma gueule. Hâte de voir le clip. Je suis piqué. Yeah. Ok, DJ Scorp est au coup. La nocturne avec DJ Scorp, très en forme, hein, DJ Scorp. Non, en fait, c'est, c'est normal. C'est normal. Tu sais, moi, je suis un DJ. Ça fait que, bon, les interviews, c'est pas souvent. Que je mixe comme ça dans une radio nationale, ce n'est pas souvent. C'est vrai. J'emmagasine des choses depuis des mois. Ce n'est pas souvent, que je peux m'exprimer sur ces choses-là. Je sais que beaucoup de gens parlent, que beaucoup de gens clashent, que beaucoup de gens veulent piquer. Ok. Fred, es-tu là? Oui, je suis là, okay. je t'écoute. Voilà, donc non, tranquille, j'ai passé le dernier son de Sultan avec David Kera, qui a un son super piqué. Soleil. Et là, ils sont partis qui est tourner le clip. Moi, tu sais, Fred, j'aime beaucoup le rap hardcore. Tu vois, je suis du QB, j'aime beaucoup, je connais le rap. Je peux parler à des gens de rap américain, de rap français, je connais le rap. Et je suis le DJ de Sultan. Sultan, je le connais. Donc, quand on dit quelque chose sur Sultan, ça t'énerve. Ça me touche. Et mais ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie du jeu, Fred. Mais moi, je suis là. Je suis devant mon ordi tous les jours, je fais des instrus. des mecs de Boulogne, j'en connais. Et je vais les dédicacer bientôt, les généraux, Isma, Salem, j'en connais. Tu vois, et depuis des mois, j'entends des choses, j'entends des trucs. J'entends le nom de mon frérot, parce que Sultan, c'est mon frérot. Au-delà de la musique. Mais j'ai compris qu'il y avait un truc Sultan, fort entre vous qui deux. Son vrai prénom, sur sa carte d'identité, c'est mon frérot. C'est des choses qui me touchent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je sais que ce mec-là, Sultan, est un putain de rappeur, que ce n'est pas un bouffon. Que ce mec-là, c'est un mec de cité, tu vois. C'est un mec oui, mais de tu sais aussi que dans le rap, c'est-à-dire on aime bien. Attends, Fred, attends. C'est un truc là, demain, j'espère que tous les sites ils vont le remettre parce que les sites ils aiment bien la merde, tu sais. Ah oui, ça je DJ sais. DJ Scorp se lâche, Jack Daniels. Moi qui pensais passer un été tranquille. Non, je me suis Fred, dit, tranquille, même, c'est a, important, c'est Scorp, important. Tu vois, moi tranquille. Je suis là. Moi je suis là, je fais mes instrus, je fais ma vie. Je vois mes gens. Là, j'ai la parole. C'est-à-dire que je te dis ce que j'ai en moi. Maintenant, oui, certes, il y a une ambiance qui fait que je peux me lâcher, mais tout ce que je te dis, c'est fluide. Il y a un mec qui est à Boulogne, qui est là, qui cite le nom de mon frérot dans ses sons. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il lui veut, je ne sais pas ce qui se passe. Booba, je ne le connais pas. Je ne veux pas le connaître. Tu vois ce que je veux dire? La Fouine, je le connais. Je sais qui est La Fouine. Tu sais qui est La Fouine, Fred? Bien sûr, ouais. D'accord. Sultan, c'est mon frérot, comme je le redis. Il y a des choses qui me touchent. Il y a des choses qui me touchent. Et là, c'était dans le mix, dans le truc. Fallait que je place un truc. Vous avez attaqué Sultan. Sultan va pas répondre parce que le Sultan, il s'en bat les couilles de vous. Il s'en bat les couilles, mais d'une puissance, vous avez aucune idée, les frérots, à quel point il s'en bat les couilles en de vous. En même temps, c'est peut-être mieux aussi. Moi, je sors mon album. Là, il y a Nassim et Almassou qui me disent d'arrêter de parler. Tu vois ce que je veux dire, Fred? Je le dis. Maintenant, moi, je suis là, j'aime le rap français. Ces mecs-là, je les connais pas. Ne citez pas mon frérot dans vos sons ou dans quoi que ce soit. Vous ne connaissez pas DJ Scorp, vous ne savez pas qui je suis. Point final. J'ai voulu, dans mon mix, vous citer un petit big up. Votre album est sorti il y a pas longtemps, vous êtes devant moi, ou je crois que je suis passé aujourd'hui devant vous dans le top. Tu vois ce que je veux dire? Mais... c'est la vie, mais arrêtez de citer son prénom, c'est mieux pour tout le monde. On fait du rap français, on est tous là, il y a, le gâteau il est immense. Exactement. Okay, ne parlez pas d'un mec que vous ne connaissez pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais m'en arrêter là. Et tout ça fait partie du challenge aussi, c'est le jeu. Exactement. Voilà. Et on sait très bien aussi que tout le monde se connaît, à droite, à gauche. Non, on a tous des connexions. Non, justement, c'est là le problème, c'est que tout le monde ne se connaît pas, Fred. C'est-à-dire que ces mecs-là, s'ils connaissaient vraiment... mon frérot qui est Sultan et mes gars de Bagneux sont là. Ils sont là, ils sont catastrophés par DJ Scorp, leur frérot qui est en train de parler au micro. Mais gros, voilà. Je suis désolé, il fallait que je le place. Excuse-moi, Fred, fallait que je le place. En tout cas, parce que c'est ma seule promo, vu que tu n'as pas voulu me donner de Planète Rap. Ouais, bon, Fred. Alors en effet, Sultan, on va arrêter. Sultan, pardon, Scorp, on va arrêter là. Mais merci en tout cas pour cette belle soirée dans la nocturne. Merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui t'ont accompagné ce soir. Et que tout se passe bien. Là, c'est les vacances. Un petit peu de détente, un petit peu de soleil, un petit peu de plage. En vrai, on va essayer de tout oublier ces histoires, ces machins. Je sais, Fred. Et repartir sur des bonnes bases à la rentrée, c'est le plus important. Non, écoute-moi. Écoute, il n'y a pas de souci, Fred. Je te respecte vraiment. Tu m'as invité pour la nocturne. Ça me fait énormément plaisir. Maintenant, moi, je sors un album qui s'appelle Red Devils. Yes, c'est aujourd'hui, aujourd'hui dans les bacs. Ouais. Voilà, c'est aujourd'hui dans les bacs. Il y a 13 titres. Moi, il y a mon gars Chroma qui est en train d'arriver. Il est à la mosquée. Voilà, donc il est en train d'arriver. Je le respecte beaucoup. C'est un frérot que je suis depuis des années. Voilà, tu vois. Maintenant, moi, tu sais, Fred, je suis un mec qui kiffe vraiment le rap français. C'est-à-dire que moi, les 40 000, j'ai rien contre eux. Mais qui parlent pas de mon gars, et je veux même parler avec eux, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'ils arrêtent de citer mon. Et mettre des photos de mon frérot dans des sites, mon frère. C'est qui ces gens-là pour juger des gens sur des rumeurs? Bon, je m'arrête parce qu'il y a mes frérots qui me disent. Allez, on arrête là, mais, et on va retenir surtout le son de Scorp qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ça s'appelle Red Devils. Merci Scorp d'être passé en tout cas. Merci à toi. Merci à toi, toute l'équipe. Yeah. Passez une bonne nuit, la nocturne continue encore dans pendant bacs. Quelques minutes et Red Devils est dans les bacs. Merci, ciao. C'était bien, non? C'était bien. Et j'espère que demain ça va être. Ciao, ciao. Planète Rap. 100% rap français.

Elle fait pitié mon aigueuse. Que Dieu nous pardonne, attitude vénéneuse. Affaire épineuse. Ça pue l'enfer niqueuse. Lobby de cité aux finances douteuses. Hey, on fait comme on peut niqueuse. Lobby de cité aux finances douteuses. Lobby de cité aux finances douteuses. Lobby de cité aux finances douteuses. On fait comme on peut niqueuse. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Quelle que soit ta couleur, t'es mon niqueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon niqueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon niqueuse. Je fais ma musique pour mes niqueuses. African West Coast. Et sa mère le buzz. Et sa mère le buzz. 100 000 heures de haut, le compteur niqueuse. Wesh, entre humour du ghetto et vie douloureuse. Ça s'en bat les couilles en tirant sur le buzz. Faire la pleureuse ne changerait niqueuse. Ça changerait. Africain de l'Ouest, parent modeste. Parent modeste. Africain de l'Ouest. Sarko à Dakar, discours indigeste. Discours indigeste. Sale chien. Pirate du bitume au large de la thèse. Au large de la thèse. Ouais. Aller en enfer sans GPS. Sans GPS. L'amitié tient à rien. Ouais. Ouais. La vie est ainsi. La vie est ainsi. Que y a de l'oseille en jeu. Ouais. Je connais plus tes amis. Je connais plus tes amis. Ouais. Profiter des jours de pluie. Parce que les poulets, non, n'aiment pas se mouiller, homie. N'aiment pas se mouiller, homie. Avant même vouloir participer, sa vichetterie. Sa vichetterie. Le capitalisme t'initie à la crapulerie. À la crapulerie. Celui qui juge n'est pas forcément innocent. Innocent. L'être humain est long, Dieu est grand. Rappeur indé depuis le franc. Depuis le franc. L'oubli de cité aux finances douteuses. L'oubli de cité aux finances douteuses. Sean. L'oubli de cité aux finances douteuses. La nocturne 100% rap français. Hey, on fait comme on peut niqueuse. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Pour mes niqueuses. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Pour mes niqueuses. Pour mes niqueuses. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Pour mes niqueuses. Quelle que soit ta couleur, t'es mon niqueuse. T'es mon niqueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon niqueuse. T'es mon niqueuse. Quelle que soit ta couleur, t'es mon niqueuse. T'es mon niqueuse. Je fais ma musique pour mes niqueuses. Pour mes niqueuses. Et ça m'air le plus. Mero, mero. Que ton fabuleuse gagne. Que ton fabuleuse gagne. Back to the future. 100% rap. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Rams dans la nocturne. Stop. C'est le nom du morceau qu'on écoute maintenant. C'est la galère dans la zone, c'est la haise qui t'assomme. Je bouffe des instrus comme si je vous fais des pipassons. Je fais tout ça pour déconner, mais tant mieux si ça marche. Wesh poteau, tu me connais, que de la musique de barge. Là je suis posté au bigo, j'improvise dans ma gueuté. C'est pour mon petit petit taux, wesh ma star soit pas teubé. Je fais tout ça pour mon quartier et pour tous les gens qui m'aiment. Agacer la même, c'est pour tous ceux qui me soutiennent. Les gens disent que j'ai un talent, mais peut-être que je vais jamais percer. Chacun son étoile, vas-y laisse-les. Pour mes petits frères, Khaled et Daouda. À tous les Ryan, à Jason et Malouda. Stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es figé. Laisse tomber la musique, go tu vas t'afficher. Stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es figé. Laisse tomber la musique, go tu vas t'afficher. D-I-N-E-S, Ish et Rachid. Demande-leur quand je prends le micro, ça va plus vite qu'une machine. Jika et son équipe, et le petit Manito. Angelo, le petit Ilyes, et le petit Popito. J'suis toujours discret, poto j'suis pas trop bavard. J'garde mes distances, parce qu'il y a beaucoup de bâtards. Toujours dans mon coin, j'calcule pas trop les femmes. J'ai pas de Ferrari, car c'est de ça qu'elles sont fans. Si j'prends le micro, c'est pour les darons, les brecos. À tous les démunis, pas un euro dans la chepeau. À toutes mes sœurs qui se préservent et qui se laissent pas disqueter. Et celles qui se respectent qui veulent pas discuter. Et stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es figé. Laisse tomber la musique, go tu vas t'afficher. Stop, il faut faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es figé, laisse tomber la musique ou tu vas t'afficher. Wesh gros, j'fume pas la garo ni la gueudro. J'bois pas d'alcool jusqu'à maintenant, j'suis toujours peu pro. Y'a ceux qui ont craqué, qui sont allés braquer. Quand tu côtoies la misère, tu deviens détraqué. J'connais bien la vente de stup, mais tout ça c'est banal. Ça fait que gâcher des vies, j'en connais pas mal. J'pourrais partir en punchline, mais ce son c'est le sunshine. Ma copine, what's the name, je crois bien que tu t'enjailles. Wesh, moro c'est le faya faya faya. Il faut que j'emmène mes potos loin d'ici à Pattaya. Soy hombre, me tester c'est pas la peine. J'suis différent des autres. Dans ma tête c'est pas la même. Stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es figé. Laisse tomber la musique ou tu vas t'afficher. Stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es figé. Laisse tomber la musique ou tu vas t'afficher. Planète rap, 100% rap français. Il est passé chez Difool, Niska, dans la nocturne 100% rap français, une des grosses sorties de la rentrée. Maintenant nous on nique des putes, je vous laisse niquer la concurrence. Ça y est j'ai signé, j'ai les euros dans mon compte courant. Pipipi pour un, premier qui vient il va courir. Je veux traîner avec nous, allez casse ta mère, t'as aucun courage. J'suis à Dakar, j'suis en claquette. Malaki vient de se faire plaquer. Le rap ne marche pas, je replique, rap des plaquettes. À vrai dire, à vrai dire, à vrai dire. Des vrais durs, des vrais durs, des vrais durs. Les euros, la bagarre. 80 euros, welcome to jungle. Et numéro 1, on me dit. Ferme ta le gueule, apprécie le mango. Et numéro 1, on t'a bien vu. Fais pas le gogo, là au bédo, l'icogo. Madame, les briques, ils vont me battre. Trafic, un déjoue la guitare. R1K, on fait le piano. Mauvais comportement, auprès du très haut. Les rochers du blé, je me suis lavé. J'suis dans le carré vif, au fond avec la paix. Gestuel, gestuel, gestuel. Gestuel, comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Bibi, tous les jours. Tous les jours. Chez nous il pleut des balles. Je prends une douche. Je compte mes euros. Ma mère va bien, n'est plus malheureuse. J'suis en showcase dans une boîte. Ma sécurité fait louvreuse. La Guinée des Guinées. Oh le gamin il est jaloux. Il a tous les mots de passe. Il a même son copine. Mais il est inconscient menteur. Arrêtez donc de faire les provocateurs. Contrat sur toi dans 24 heures. Si on t'attrape tu vas faire du beau codeur. Ma chérie ne prend pas de warash. Mais comment tu veux la combler? Avec ton zizi de nawash. Kardashian vient de me follow. Beyoncé doit me rappeler. Rihanna veut que je vienne, mais j'ai pas le temps. Elle a ses glorées, elle a ses glorées. Négro, j'ai du blé. Je me suis lavé. J'suis dans le carré vif. Au fond avec la paix. Gestuel, gestuel, gestuel. Gestuel, gestuel. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Comportement, comportement. Planète rap, 100% rap français. Bouscapé frein volume 1, du site numéro 1 du rap français. Bouscapé, R.E.D.K. mauvais réveil, exclusif. Non mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qui veulent tous rapper? Tous ces MC nazes et lâches qui nous foutent la paix. C'est moi ou ils sont quasiment tous claqués? T'inquiète même pas, je ramène la peau frappe au bouscapé. Trop de rimes dans le crâne, regarde, je leur coupe la paix. Moi je ne rigole pas les gars, je débarque dégagé. Chaque chose en son temps, faut que vous le sachiez. Je vais commencer par les claques et reviendrai vous mettre la rousse d'après. Au volant de mon mon flow, je fais peur, faut que le rendisse. 1340 au compteur et tu voudrais que je roule à 90. Accélération, le moteur était brisé comme le regard d'un chinois complexé après l'opération. Crise de rire pour pas changer. Si faire de la trappe est une prise de risque, on n'a pas la même notion du danger. Ils m'ont pris pour un de ces débiles. Et puis c'est vrai les gars, c'est qu'on confond de l'encre des débiles avec les villes. Ils ont pourri nos rêves, posé nos places sur ce qu'ils appellent blacklist. Sourire aux lèvres, pose des bonnets d'âne sur vos têtes d'affiche. Tu veux classer, tu cherches la brèche pour parler de nos fautes. Je te tends une perche mais n'essaie même pas, la barre est trop haute. Leur honneur est sali, j'ai l'amour propre qu'ils n'ont plus. Ils ont plus de face et d'envie non plus. En apparence, on a les mêmes espérances. C'est ce que ces MC ont cru. Mais je vise le sens, le top de la performance. Moi, pas le million de vues. Je me fous de la gloire et d'avoir le dernier Merc au Brabus. Aussi vrai que la plus belle rose noire de l'histoire a poussé dans un bus. En nous, quelque chose de Tennessee. Moi, c'est dans la gorge. Regarde, mensonge et pas l'hiver. Ils sont tous morts pendus à mes cordes vocales. Je me fous de ce qu'ils racontent. Vu que les trois quarts perdent la tête. Le coup, pour moi, ce qui compte, c'est bien de rendre fier Marseille. Les MC font honte, sont bons pour le Père Lachaise. Rappelez-moi quand le niveau remonte, je repars faire ma sieste. Yeah! Exclusivité Bouska Peufra, RETK, mauvais réveil, DJ Mystic et la légende. Bouska Peufra, volume 1, père! Dana Squad, Triggy, Murder, Gucci. C'est la fin de la nocturne 100% rap français, une grosse nocturne avec DJ Scorp dans la première partie et puis une dernière demi-heure de son avec notamment la Bouska Peufra qui est dans les bacs. RDK à l'instant pour le titre inédit, dernier Planète Rap de la semaine dès lundi 20h-21h. Fabuleux, on est là ou quoi? Yes. On est prêt? Go. C'est reparti pratiquement 2h du mat, le son rap R&B en non-stop. Passez une bonne nuit, bonnes vacances à ceux qui nous écoutent sur les routes des vacances. Et rencard la semaine prochaine pour la dernière nocturne de la saison. Ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.